et nous sommes venus vers lui afin de l'honorer. Lorsque vous aurez trouvé ce roi, revenez rapidement vers moi, leur dit Hérode, et assurez-moi de l'endroit afin que j'aille moi aussi l'honorer. Certainement, lui dirent-ils. 5. Les rois partirent de Yerushalayim. Ils s'arrêtèrent où s'arrêta l'étoile, qui s'arrêta au-dessus de la grotte de Bethléem. Lorsqu'ils furent entrés dans la grotte, ils y trouvèrent la Vierge en train d'étreindre l'enfant qui était enveloppé de l'ange. Lorsqu'ils virent l'enfant, ils l'honorèrent et lui offrirent ses présents. L'or, la myrrhe et l'encens, afin que s'accomplît la parole du prophète David. La reine se tiendra à tête droite vêtue, et chamarrée de vêtements d'or. Il dit de plus. De tes vêtements, des senteurs de myrrhe, stacté, et casse. L'or que les mages ont offert en présent de salut à notre Messie, c'est afin que fût reconnue la puissance de sa royauté, comme il est habituel d'offrir de l'or à un roi. L'encens est en raison de son divin sacerdoce. La myrrhe c'est en raison de la mort de la chair qu'il a prise de nous. 6. L'ange du Seigneur apparut au roi, et leur dit de ne pas retourner vers Hérode, et de retourner à le pays par un autre chemin. Ils firent comme l'ange du Seigneur leur ordonna. Les rois ne vinrent pas vers Hérode, qui apprit qu'ils étaient retournés à le pays en prenant un autre chemin. Par l'effet d'avoir ordonné de venir vers lui l'informer, Satan entra en lui, et alla vers les anciens des Juifs de Yerushalayim. Où naîtra le Messie ? Leur dit-il. Je vous ai entendu une fois dire que le Messie devait naître dans le monde afin de sauver les hommes de l'esclavage. Nous avons trouvé dans les Écritures des prophètes que c'est à Bethléem de Judéa que naîtra le Messie, lui répondirent les scribes. Un prophète dit d'entre les prophètes. Pour toi Bethléem, terre de Judéa, tu n'es pas la dernière, ni la moindre des royaumes de Judéa, car c'est de toi que sortira le roi qui paîtra mon peuple Israël. Ce roi est le Messie, et sans doute qu'il naîtra à Bethléem. 7. Hérode congédia les Juifs réunis pour les interroger sur l'endroit où naîtrait le Messie. Et l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph le charpentier, et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant qui est né avec sa mère. Va au pays d'Égypte, et trouve-toi là jusqu'à ce que je t'apparaisse de nouveau, et que je t'ordonne comment tu feras. » Joseph se leva de son sommeil, prit l'enfant avec sa mère la pure Vierge, et les conduit au pays d'Égypte. Lorsque Hérode eut entendu les paroles des anciens des Juifs sur l'histoire de la naissance du Messie, il ordonna de tuer les enfants de Bethléem de l'âge de 2 ans, et les plus jeunes. Lorsque Jésus fut entré dans la terre d'Égypte avec sa mère, les temples que les sorciers Yann et Yambérès avaient bâtis afin de séduire les Égyptiens par les tours des magiciens, s'écroulèrent dans la ville de Héliopolis. Les faibles idoles se brisèrent de leurs temples, et leurs angles s'écroulèrent. Jésus demeura en Égypte afin que s'accomplisse la parole du prophète. J'ai rappelé mon fils d'Égypte. 7e miracle. 1. Puis l'ange du Seigneur apparut à Joseph en Égypte, et dit. Lève-toi, prends l'enfant, et sa mère. Retourne en terre d'Israël, voici que Hérode qui cherchait l'enfant a péri. Il prit Jésus, et Marie sa mère, et retourna en terre d'Israël, et tandis qu'ils cherchaient leur chemin, ils parvinrent à l'endroit du désert où se trouvaient des brigands qui volaient les biens de tous ceux qui passaient par ce chemin, chacun à leur tour, tous les jours. Lorsqu'ils virent Jésus de loin avec sa mère, et Joseph, un brigand dit à son compagnon. Aujourd'hui c'est ton tour. Lève-toi vers ceux qui viennent, va prendre, et apporte-nous leurs biens. Le voleur descendit pour voler leurs biens lorsqu'il eut vu Jésus sur la poitrine de sa mère monter sur une ânesse, aussitôt son cœur s'adoucit. Il prit l'enfant de la poitrine de sa mère, et lui baisa les yeux, les joues, et la bouche. Il salua aussi Joseph, et mit sur la poitrine de notre Seigneur l'argent qui était sur lui. Il dit à Marie : Le Messie nous a défendu de voler vos biens. De plus, il dit à ses compagnons : Abandonnez la part qui vous revient de leurs biens, et que ce soit ma part à moi. Je vous rétribuerai moi-même en échange de cela. 2. Joseph conduisit l'enfant, et sa mère, le brigand alla lui-même devant eux afin de les accompagner. Tandis qu'il les accompagnait, le brigand tomba sur son visage, son épée se heurta contre une pierre, et devint en trois morceaux. L'enfant lui dit : Ramasse ton épée au teteau, et donne-moi. Le brigand teteau prit les morceaux de son épée, et lui donna. Jésus joignit les morceaux de l'épée, et fit deux comme auparavant. Lorsque le brigand eut vu l'œuvre de Jésus, comment il avait réparé son épée qui s'était brisée, et comment il avait appelé son nom qu'il ne connaissait pas auparavant, il s'étonna fort, glorifia, et adora le Seigneur. Il dit à Jésus : Ô mon Seigneur, établis-moi l'un de ceux qui se trouveront avec toi, et suivront tes voies. 3. Joseph renvoya l'autre brigand, et prit la main de Jésus, pour la poser sur le brigand, qui inclina sa tête, et dit à l'enfant : Ô mon Seigneur, bénis-moi. En vérité je te dis, tu précéderas toi-même Adam en entrant dans le paradis, et à toi les clés te seront données de la part du Père, lui répondit Jésus. Quand l'un des brigands eut entendu, il rit pour se moquer de lui, et dit : Si cet enfant est fils de prophète, comment dira celui qui verse le sang tous les jours de sa vie, qu'il entrera au paradis, et que les clés du Père lui seront données pour entrer lui-même avant notre Père Adam ? 4. Quand Jésus eut vu qu'il se moquait, et riait de lui, il lui dit : Ô darque, tu n'hériteras pas la vie éternelle avec Toto, parce que tu n'as pas cru à la parole de ton Seigneur, et ton Dieu. Le brigand s'étonna des paroles de Jésus, qui appelait son nom alors qu'il ne le connaissait pas. Il dit en son âme : Comment cet enfant peut-il savoir cela, d'où la science de ses secrets pour lui ? Pour moi je suis certain qu'il est des fils des prophètes. Gamour, le chef des brigands, lui répondit : Est-ce que cet enfant n'est pas le véritable Messie, le Sauveur du monde qui est né maintenant, et sa mère la Vierge ? Puis ils se dispersèrent, et retournèrent à leur maison. 5. Joseph conduit l'enfant, et sa mère à la ville de Nazareth, afin que fût accomplie la parole du prophète qui dit : Lorsque viendra le Dieu du ciel, et de la terre, il sera appelé Nazir. Un prophète égyptien dit : Le Seigneur apparaîtra de Nazareth dans les derniers jours, il enlèvera la royauté, le sacerdoce, et la prophétie aux enfants d'Israël. Quant à eux, il les dispersera dans toutes les extrémités de la terre, alors ils n'auront plus le retour pour se réunir à le premier testament. Lorsque notre Seigneur habitera la ville de Nazareth, il se mit à faire de grands miracles. 8e miracle. 1. Alors que Jésus était enfant, âgé de 5 ans environ à cette époque, il était en train de jouer près d'un ruisseau à faire couler, et recueillir à travers le sable, la faire couler dans une citerne, et la clarifiant adroitement, et la faire descendre pure et limpide. Il prit de la boue de la bourbe vaseuse, et façonna 12 oiseaux. C'était alors jour du Shabbat, et beaucoup d'enfants jouaient avec lui. Un juif le vit en train de faire cela avec les enfants, et alla vers Joseph son père, pour accuser Jésus, disant : Il a formé 12 oiseaux en faisant avec de la boue au Shabbat. Ce n'est pas permis à Shabbat. 2. Apprenant cela, Joseph alla vers Jésus et le réprimanda. Pourquoi fais-tu ce qui n'est pas permis de faire à Shabbat? Entendant ce mot, Jésus battit de ses mains et fit s'envoler les oiseaux et leur dit. Allez, volez vers les hommes qui se tiennent là. Les oiseaux s'envolèrent en s'écriant. Sois remercié, fils du Seigneur. 3. Un pharisien qui l'avait vu fut épouvanté de peur, et le raconta à ses amis. Le fils du scribe étant aussi avec le pharisien, prit lui-même une branche de saule, et fit écouler l'eau que Jésus avait recueillie, et mit la piscine à second. Voyant ce qu'il avait fait, Jésus lui dit. Que ta semence devienne sèche, sans fruit. Que le rejeton de ton fruit devienne comme une branche sans vie. Aussitôt cet enfant devint second. 4. En courant, un enfant frappa la poitrine de Jésus, qui dit à cet enfant. Que ton corps ne croisse plus. L'enfant tomba et mourut aussitôt. Les parents de l'enfant mort le pleurèrent et gémirent sur lui. Puis ils allèrent vers Joseph et dirent. Puisque tu as un tel fils, tu ne peux pas rester dans notre ville avec nous. Pars d'ici ou ordonne qu'il nous bénisse. 5. Joseph réprimanda l'enfant. Il s'approcha de lui et dit. Pourquoi fais-tu de telles choses, mon fils? Ainsi ces gens nous haïront. Si les hommes n'avaient pas connu la parole de sagesse de mon père, les hommes ne connaîtraient pas le châtiment de leurs enfants. En plus qu'il leur a révélé le secret afin de leur faire comprendre. Ceux qui n'ont pas trouvé ce châtiment ont aussitôt trouvé le jugement eux aussi. Ceux qui s'en indignent sont aveugles, lui dit Jésus. Joseph se mit en colère et lui tira fortement les oreilles et les joues. Jésus lui dit. Cela suffira pour toi de me chercher et ne pas me trouver. À l'autre, quant à toi tu n'as pas su parfaitement, tu as oublié. 6. Il y avait un maître réputé appelé Zachée. On l'entendit en train de parler avec Joseph son père. Ce maître appelé Zachée disait à Joseph. Donne-moi cet enfant si tu veux qu'il soit instruit, afin que je l'instruise moi-même, car je l'aimerai plus que ces jeunes gens. Et je l'honorerai plus que les vieillards. Lui-même deviendra l'ami des enfants, et il deviendra maître en plus. Quel est celui qui pourra prendre cet enfant, et l'instruire, car une grande croix convient à cet enfant. 7. Parmi les paroles que tu as dites maître, tu as nommé une étrange, répondit l'enfant. Je suis autre que vous. Je ne suis pas comme vous possesseur d'une famille de chair. Tu es le seul qui te soit trouvé dans la loi. Avant que tu fusses toi-même né, moi-même j'existais, alors que tu espères toi-même devenir père, tu seras donc instruit par moi. À Joseph, pas d'autre personne n'a vu l'image de la croix que j'ai juré moi-même de porter de mon propre en devant être crucifié. Je m'abstiens de vos propres œuvres, parce que vous ne savez pas comment vous êtes né, et d'où vous êtes venu. Moi seul sais exactement quand vous êtes né, et jusqu'à quand vous trouvez ici. Ils se mirent à crier, et s'étonner en disant. Nous avons eu de grands prodiges, et des merveilles, mais jamais n'avons entendu de telles paroles, ni des sacrificateurs, ni des anciens, ni des pharisiens, ni des scribes. Où est né cet enfant âgé de 5 ans environ pour pouvoir ainsi nous parler? Jamais nous n'avons vu cela. Vous vous étonnez, cependant vous ne savez pas ce que je vous ai dit, répondit Jésus. Pour moi je sais d'où vous êtes, et plus encore, car je sais cela de mon Père, qui me connaît lui-même. » Ils furent au comble d'entendre cela, et ne purent pas parler. Jésus s'approcha, et leur dit : « J'ai joué avec vous, car vous êtes petits en science, et de peu d'intelligence. » 9. Tandis que le maître Zachée persuada Joseph, lui disant : « Donne-le-moi pour que je l'instruise », il persuada, et prit. Le Seigneur entra à l'école, et étant entré il se tut. Le maître Zachée se mit à lui enseigner l'alphabet, et lui dit : « Dis Aleph. » Jésus ne répondit pas. Le maître se fâcha contre lui, et le gifla sur la tête. L'enfant lui dit : « Apprendra-t-il tandis qu'on le frappe avec un marteau ? Toi-même tu parles comme le son de l'airain, comme une cloche qui résonne sans écho de sagesse, ni force de parole. » Jésus commença depuis Aleph jusqu'à la fin, et lui récita avec grande justesse. De nouveau Jésus répondit : « Comment ceux qui ne connaissent pas Aleph enseigneront-ils bêtes ? Ô hypocrites ! Commencez vous-même par apprendre Aleph, et ensuite je vous croirai lorsque vous aurez connu l'explication d'Aleph, et de bêtes. » Jésus se mit à exposer au maître ce qui touche la première lettre. Le maître émerveillé fut étonné de tant de noms. Puis surpris des paroles, il cria, et se lamenta : « Malheur à moi qui ai fait venir l'affliction sur moi spontanément. De grâce, faites-le sortir d'ici pour moi, il ne faut pas qu'il se trouve sur terre. Vraiment il est destiné à une grande croix celui qui pourra révéler cet enfant, et lui apporter. Quant à moi je pense à mettre sa naissance avant le déluge, au jour de Noah, car je me demande moi-même quel sein l'a porté, quel ventre l'a enfanté, et quelle mère l'a élevé. Moi je ne supporte pas, je suis stupéfait. Je me suis spontanément trompé moi-même. Malheureux que je suis d'avoir pensé trouver un disciple bien plus, lui-même est devenu pour moi un maître. Moi-même je n'ai pas de repos, ni où fuir le pays, ni voir l'enfant. Moi-même fort de l'éloquence de sa bouche, je ne peux pas déclarer les choses de cet enfant. Je vois l'intelligence devant ses yeux en plus de l'éloquence de sa bouche, et la pureté de son langage. Mais si c'est le Seigneur, si c'est un ange, je ne sais pas. » Jésus rit, et dit : « Celui qui ne fructifie pas fructifiera. Les aveugles verront le fruit de vie qui ouvre. » Et tous ceux qui avaient été maudits par lui virent aussitôt. Personne n'osa plus l'irriter. 10. Un des jours que Jésus était en train de jouer sur le toit avec des enfants, un d'entre eux mourut en se précipitant. Voyant cela, les autres enfants s'enfuirent, et seul Jésus resta. Les parents de l'enfant mort dirent à Jésus : « Tu as précipité cet enfant. » Pour moi, je ne l'ai pas précipité, leur dit-il. Alors qu'il querellait beaucoup avec lui, Jésus descendit au tombeau, et alla vers le cadavre de celui qui était mort. Il appela à haute voix, et lui dit : « Raconte-nous si je t'ai précipité. » Tel était le nom de cet enfant. « Non, mon Seigneur, » dit l'enfant. Voyant cela, les parents de l'enfant furent étonnés et épouvantés. Ils glorifièrent le Seigneur. 11. Après que Jésus eut 7 ans, sa mère Marie la Sainte Vierge l'envoya puiser de l'eau. Tandis qu'ils allaient et se bousculaient en chemin, sa cruche se brisa. Jésus étendit le manteau dont il était revêtu, et enveloppa l'eau dedans pour la porter à sa mère qui s'étonna de tout cela mais gardait dans son cœur ce qu'elle voyait. 12. Quand Jésus eut 8 ans environ, Joseph était charpentier, ne faisant rien d'autre que des joues, des âges, et des charrues. Un homme cultivateur de champs lui avait apporté une poutre qu'il débita. Jésus dit à son père, « Père, montre-moi à débiter. » Joseph lui montra. Jésus prit ses mesures pour débiter, il dégrossit et écarrit le bois. Il montra à Joseph son père et lui dit, « Est-ce ainsi que tu veux que je fasse maintenant ?» 13. Lorsque Joseph eut vu qu'il était intelligent, il voulut qu'il fût instruit, et qu'il ne demeure pas oisif. Joseph alla conduire Jésus vers un maître. Le maître lui dit, « Dis Aleph, dis Beth. Déclare-moi ce que sont Aleph et Beth, lui dit Jésus. » Le maître se fâcha contre lui, et le frappa. Aussitôt le maître tomba, et mourut. Jésus rentra chez ses parents. On ordonna de ne pas le laisser sortir de chez ses parents afin que s'il maudissait quelqu'un, qu'il ne mourût pas. 14. Il y eut de plus un autre maître qui dit à Joseph, « Donne-moi ton fils afin que je l'instruise correctement moi-même. » Il prit Jésus qui entra à l'école. Jésus prit un livre et lut ce qui était écrit. Il ouvrit la bouche et récita par cœur, de sorte que le maître tomba d'épouvante à terre et l'implora. Beaucoup de gens s'assemblèrent et s'entretinrent, tous ceux qui restaient là furent dans l'étonnement. Joseph entendit et accourut, car il lui semblait qu'on tuait. Le maître dit à Joseph, ce n'est pas un disciple que toi-même m'as donné, c'est un maître. Joseph prit Jésus, et ils retournèrent à leur maison. 15. Joseph envoya son fils Jacob ramasser de la paille, et Jésus alla avec lui. Tandis qu'il ramassait de la paille, un serpent mordit la main de Jacob qui s'évanouit. Jésus ne fit rien que souffler sur la main, là où était la morsure, et le guérit. Quant au serpent, il mourut aussitôt. 16. Jésus était âgé de 12 ans environ quand Joseph et Marie allèrent à Jérusalem pour la fête de Pessa comme ils avaient coutume. Arrivés à Jérusalem, ils célébrèrent en se réjouissant et retournèrent à leur maison. Tandis qu'ils revenaient, Jésus s'attarda à Jérusalem mais ils ne le savaient pas. Il leur semblait qu'il se trouvait derrière eux en chemin. Lorsqu'ils furent arrivés à leur contrée, Marie et Joseph le cherchèrent auprès de ses parents et de leurs proches sans le trouver. Alors qu'ils ne l'avaient pas retrouvé, ils retournèrent à Jérusalem le chercher. À la septième heure, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs qui l'interrogeaient et l'écoutaient. Tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient à son sujet. Il reprenait les sacrificateurs et leur expliquait les écritures des prophètes et les symboles cachés qui étaient dans la loi. Sa mère lui dit, « Ô mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela, car nous avons souffert à te chercher ton père, et moi ? Pourquoi me cherchez-vous ? Leur répondit Jésus, « Ne savez-vous pas que je me trouve avec mon père ?» Les scribes et les pharisiens dirent à Marie, « C'est toi Marie, la mère de cet enfant ? Te voici bénie en ton fruit, car nous n'avons vu, ni entendu de sagesse aussi illustre. » Jésus se leva pour suivre ses parents. Marie sa mère gardait ses paroles, les mettant dans son cœur. Jésus grandit en sagesse, en grâce, et en taille auprès du Seigneur, et auprès des humains. 17. Jésus fit de nouveau un prodige lorsque le soleil entra par la fenêtre. Jésus chevaucha le rayon de soleil, et alla à l'Orient, et à l'Occident, tant que le rayon de soleil parvenait. 18. De plus il sema 5 grains d'orge, et récolta 500 sacs, qu'il donna aux pauvres. Honneur et gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à toujours, pour les siècles des siècles. Neuvième miracle. 1. Il y avait là un homme qui avait beaucoup de bœufs, qui aimait l'aumône et attendait la venue de Jésus, le salut d'Israël. Des brigands des gens de la haute ville de Yerushalayim vinrent et volèrent beaucoup de ses bœufs. Cet homme s'appelait Tetmena et habitait dans le voisinage de la maison où se trouvait le Messie Jésus avec sa mère dans la ville de Nazareth. Quand il apprit l'histoire du vol de ses bœufs, il rendit grâce au Seigneur, disant « Béni est le Seigneur Dieu d'Israël qui me les a accordés. Lui-même m'a donné, lui-même m'a repris comme a dit Job lorsqu'il fut éprouvé. » 2. Joseph l'époux de Marie rencontra Tetmena et dit « Pourquoi te vois-je triste ?» Il lui raconta au sujet de ses bœufs volés. Et Joseph répondit « Viens avec moi vers Jésus, lui-même te dira qui a volé tes bœufs. » L'ayant entendu, il alla avec Joseph là où se trouvait Jésus. Lorsque Jésus le vit, avant de connaître son histoire, il lui dit « Ô Tetmena, voici que ton histoire m'est parvenue. Comment tu as rendu grâce au Seigneur lorsque tu as été éprouvé. Maintenant, ne sois plus triste mais viens avec moi afin que je te montre les hommes qui ont volé tes bœufs. Ils se trouvent derrière le mont Tabor sur lequel je devrais montrer ma gloire. » 3. Tetmena et Joseph allèrent avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés derrière le mont Tabor, ils trouvèrent les brigands qui se tenaient là. Il ne leur était pas possible d'aller devant leur face ou retourner en arrière. Jésus dit à ces brigands, « Pourquoi avez-vous fait ce qui ne convient pas, et avez-vous transgressé la loi de Moïse ? Pardonne-nous, notre Seigneur, car nous avons péché en faisant cette faute, » répondirent-ils. « Je vous remettrai votre péché si vous croyez en moi, » leur dit Jésus. Aussitôt ils crurent en lui, et virent sa gloire, et ses prodiges. Tetmena ramena ses bœufs en se réjouissant, car sa foi au Messie Jésus fut affermie. Il retourna dans sa maison en remerciant